Quand la réforme du système économique commença, Hou Lang cessa d'être singe pour n'être plus que loup. Avec la complicité d'amis, en réalité des complices, insérés dans les institutions, il se lança dans la spéculation immobilière. Il réussit à convaincre des paysans de vendre leurs champs en promettant un bon prix en compensation. Une fois les contrats signés, il fit construire des immeubles d'habitation et des hangars pour des entreprises. Mais il n'honora pas son engagement envers les ex-propriétaires du terrain. Ceux-ci lui rappelèrent sa promesse, en vain. Ils tentèrent alors de faire intervenir les autorités. Ils n'eurent pas de réaction de leur part. Ils finirent par former un comité et allèrent protester devant le siège administratif du Loup, dans la ville toute proche. Au retour, dans leur village, le soir, les paysans furent assaillis par des hommes masqués. Ils les rouèrent de coups en leur déclarant « Pour vous apprendre à respecter qui est le plus fort !» Les victimes s'adressèrent de nouveau aux autorités sans obtenir de résultats. Un vieux paysan, n'ayant plus de quoi nourrir sa famille, se suicida. D'autres allèrent chercher du travail dans les villes qui avaient installé des usines, réclamant beaucoup de main-d'œuvre non qualifiée. Quant au Loup, il devint rapidement très riche, et ses relations sociales augmentèrent grâce à l'habituelle méthode, la corruption, sinon la violence. Elles permirent au Loup de dévorer d'autres victimes, toujours des paysans dont il achetait les terres sans les payer, ou en leur accordant une somme dérisoire par rapport à celle convenue, et l'argent affluait dans le compte bancaire de l'ex-révolutionnaire. Le Loup devint un requin. Dans le compartiment, les roues du train roulent rapidement. Je fixe le visage du nouveau rapace, caché derrière ses sombres lunettes. Que faire? Que dire? À quoi bon? Il n'est que le misérable produit d'un ignoble système. Je me lève avec un calme apparent, prends ma valise et sors du compartiment. Dans un autre, je trouve une place libre, à côté d'un couple d'une cinquantaine d'années, un occidental et une chinoise. Ah, les coïncidences! Leur vue me trouble, je tente de me calmer. Après avoir mis la valise sur le porte-bagages, je m'assois. Discrètement, j'observe le couple. L'homme et la femme, se tenant tendrement par la main, se dévisagent avec affection. Chacun d'eux porte au doigt une petite alliance en or. En face d'eux, deux femmes sont assises. De temps en temps, elles jettent un regard furtif vers le couple. Le train s'arrête dans une gare. L'épouse chinoise éloigne doucement la main de celle de son mari, puis les deux se lèvent. L'homme prend du porte-bagages deux valises, passe la plus petite à son épouse, se charge de la plus lourde. Le couple nous salue avec politesse d'un mouvement de tête. Moi et l'une des voyageuses y répondons de la même manière. L'autre femme ne réagit pas. Le couple quitte le compartiment. Le train repart. La femme, qui a ignoré le salut du couple, lance, contrariée, « Quel temps !» Son amie étonnée la dévisage, la mécontente précise « Quel mauvais temps !» L'autre voyageuse lui indique le ciel bleu à travers la fenêtre. « Mais il est beau aujourd'hui le temps !»« Ce n'est pas de celui-ci que je parle. »« Duquel alors ?»« De ce triste temps où nos femmes préfèrent l'étranger à l'homme du pays. » Son amie tourne les yeux vers les places laissées vides par le couple. « C'est d'eux que tu parles ?»« Oui, notre pays était mieux quand il était fermé aux étrangers, » affirme la première femme. D'autres déclarent le contraire. Qu'est-ce qu'il a de meilleur, l'homme étranger, hein? Je le sais, moi, l'argent et le visa pour aller vivre à l'étranger. C'est possible, admet son ami, mais il y a aussi autre chose dans la vie. Quoi? Tu ne le sais pas? Réplique l'autre d'un ton amusé. Ne comprenant pas l'allusion, l'interlocutrice s'énerve. Je ne suis pas devin ni sorcière. Quoi alors? Le cœur! Ah ah! Ricane l'autre. Déjà, il est impossible entre deux Chinois d'accorder leur cœur. Comment veux-tu que cela soit possible entre un homme et une femme qui parlent des langues différentes et ont des cultures opposées? Impossible! S'ils s'aiment vraiment, leur premier langage est le cœur. Il paraît même que dans le monde comme en Chine, il y a plus de divorces entre les personnes qui parlent la même langue et ont la même culture qu'entre les partenaires ayant des langues et des cultures différentes. Ce sont les étrangers qui diffusent ces sornettes et les gens de chez nous qui sont aveuglés par eux. Cela n'a jamais fait de bien à la Chine. En remarquant que je l'observe, la Serbe critique s'adresse à moi du ton sûr d'obtenir mon appui. « N'est-ce pas vrai ?» Je réfléchis. « N'est-ce pas vrai, hein ?» insiste la femme. « Selon ma modeste opinion, dis-je, le problème n'est pas qu'un pays soit fermé ou ouvert aux étrangers, mais s'il sait accueillir les aspects bénéfiques et éviter les aspects nocifs venant de la planète dont il fait partie. » « Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?» demande la dépitée. Ce qui différencie d'abord et surtout les êtres humains, ce ne sont pas la langue et la culture, mais la qualité du cœur et de l'esprit. » L'acrimonieuse, déçue, fronce les sourcils. « Alors, affirme-t-elle péremptoire, toi aussi, tu es victime de la propagande étrangère. » Son ami éclate de rire. J'arrive à Guilin. C'est de là que je dois prendre l'avion pour Pékin. Sachant qu'il ne partira que le jour suivant, dans l'après-midi, j'en profite pour aller rendre visite à Yue, mon ancienne amie de la troupe artistique. Elle habite à environ 2 heures de bateau, à Yangshuo. Un peu plus tard, je navigue vers la localité. De la balustrade, je contemple le paysage avec une profonde émotion. Depuis ma condamnation à la déportation dans le village, c'est la première fois que je revois ces somptueuses montagnes. L'heureuse époque de ma jeunesse me revient. Dans un pays qui fut, pendant des millénaires, la victime des ambitions les plus insensées et des cruautés les plus atroces, mon adolescence était bercée par les merveilleuses espérances suscitées par les promesses généreuses de la Révolution. Grandiose était l'enthousiasme pour affronter les immenses difficultés et résoudre les problèmes en vue de la construction d'une société enfin équitable. Hélas, vint le reflux impitoyable, inexorable. Sur le bateau qui poursuit sa paisible navigation, je murmure à voix basse une chanson douce amère. Ô pays de ma naissance, berceau de mes espérances, grandioses les montagnes de tes labeurs, immense le désert de tes malheurs, profondes les gorges de tes douleurs, mais infini ton besoin de bonheur. En pensant à un prodige, qui n'aurait pas le vertige ? 13 juin, soir, Yangshuo, hôtel. À l'approche de la localité de Yangshuo, sous un magnifique ciel bleu, se présente un étrange et fascinant paysage, une multitude de petites montagnes en forme de cônes pointus. L'ensemble a quelque chose de tout à fait surnaturel. L'endroit est extraordinairement féerique. Je ne peux m'empêcher de le dire à Mei. Incroyable, jamais vu ça. C'est la partie fabuleuse de la Chine, explique-t-elle. J'ai l'impression d'aller chercher une princesse au pays des merveilles. Tu peux le dire, confirme-t-elle en plaisantant. Un air vif caresse mes joues. Cette rivière est l'une des plus belles de Chine, dit Mei. Elle te plaît ? Je secoue la tête en signe d'admiration. Tellement que j'ai l'impression de vivre un conte des mille et une nuits. Mei fixe l'eau du fleuve. Peut-être je vais te faire rire, dit-elle, avec ce qui te paraîtra une banalité, mais la vue de l'eau qui s'écoule. Je pense au temps qui passe inexorablement. Je ne réagis pas. L'endroit m'enchante trop. Alors, pas de pensée, seulement jouissance. À l'arrivée à Yangshuo, les changements constatés me surprennent désagréablement. La ville a développé des activités économiques et touristiques, mais a perdu son aspect original. N'y a-t-il pas moyen d'éviter que le commerce tue l'âme de l'endroit où il s'installe ? Malédiction. Je suggère à Bruno de trouver un logement dans ce qui reste de la partie ancienne. « Évidemment, affirme-t-il, j'ai horreur du clin-clin pseudo-moderne, encore plus ici, où je désire voir des choses originales, typiques de l'endroit. » Heureusement que Mei partage mon intérêt pour ce qui est populaire et traditionnel. Elle m'emmène dans ce qui en reste dans la localité. J'admire les ruelles paisibles, les vieilles, pauvres mais accueillantes maisons. De leur façade émane l'histoire ancienne, la vie authentique. Je remarque quelques hommes et femmes aux vêtements colorés, à l'allure digne, tous plutôt âgés. Les gens ici semblent calmes, détendus. « Oh, ils l'étaient davantage avant, précise Mei. Comment ça ? Tout a trop changé ici. Presque toutes les habitations d'antan et leurs habitants ont disparu. Elles sont remplacées par des magasins et des touristes. » Je suis intéressé par deux vieillards, tout proches l'un de l'autre. Ils bavardent calmement, assis sur un banc de bois. Leur attitude laisse deviner leur intime amitié. Leur corps, de petite taille, semble encore en bonne santé. Ils sont habillés de simples vestes et pantalons de toile, couleur bleue. L'un porte une casquette et des lunettes de vue. La tête de l'autre est couverte d'un chapeau et il tient un court bâton en main. Impressionnants sont les visages de ces deux hommes, bien avancés dans la vie. Peu de rides et la même expression sereine. J'aurais aimé les rejoindre, bavarder avec eux et bénéficier de leur secret, celui d'être à leur âge si paisible, si lumineux. J'ai la nette sensation, dis-je à Mei, que les gens d'ici, malgré leur pauvreté, ont une belle vision de la vie. C'est dommage que tu ne sois pas venu ici il y a 20 ans. Il y avait plus de pauvreté, mais plus de vie à apprécier. ma voix intérieure me lance. Médite, banquier, médite. Je m'efforce de trouver une belle maison traditionnelle pour y loger et permettre à mon compagnon d'apprécier le charme passé de cette localité. Mais trop de choses ont disparu, laissant place au business, comme on se plaît à définir les nouvelles activités. Au cours de la recherche, une image totalement inattendue nous choque. Photo de l'homme gisant au sol. Un homme d'une quarantaine d'années gît par terre, les pieds nus, vêtu d'un vieux pantalon et d'une sorte de chemise. Il s'agit visiblement d'un pauvre. Il dort profondément. Quel malheur l'a jeté sur le pavé. Le flot des visiteurs, en majorité des touristes, passe, indifférent à cette misère. Les uns lui concèdent à peine un coup d'œil furtif pour aussitôt se détourner, d'autres ne semblent pas même remarquer cet être humain, réduit à une loque. Bruno et moi avons de la peine à détacher de lui nos regards. Société qui produit cet outrage à la vie, qui t'a ainsi réduite au point d'être maudite? Auparavant, je trouvais normal, pour ainsi dire, de voir des sans-abri dans les rues. Je passais mon chemin, mais cette fois-ci, j'en suis remué. Je suggère à May, il faudrait appeler la police ou une ambulance pour l'enlever d'ici et lui trouver une place plus convenable. Elle cherche du regard, finissant par remarquer un agent de police. Elle le rejoint et lui parle. Aussitôt, il se dirige vers l'homme endormi et s'en occupe. Nous dénichons une petite maison qui a gardé les caractéristiques anciennes. Charmante, dans une rue étroite, à l'écart de la partie envahie par les magasins de bibelots et leur foule de touristes. Une fois installée, nous nous reposons dans une petite cour. Elle est agrémentée de fleurs multicolores et d'un petit bassin d'eau où nagent quelques poissons rouges. Un certain goût de la beauté naturelle règne ici, à commencer par le bois marron clair dont est construite la maison. Sur une branche d'arbre, un très joli perroquet se dandine, fier des couleurs de ses plumes, une splendide synthèse de rouge, de jaune, de bleu et de vert. « Kurr, kurr » prononce-t-il de temps en temps. J'aimerais bien savoir ce que les sons de ce perroquet signifient. Me tournant vers May, je note un voile de tristesse sur son visage. Quelque chose ne va pas. Elle hésite un instant, puis avoue, « Je croyais retrouver la vieille ville et ses habitants. Il en reste très peu et probablement il disparaîtra. » Dans le reste, comme tu l'as constaté, des étrangers à la ville viennent satisfaire leur pulsion d'achat, croyant remplir leur vide existentiel. Et les paysans, transformés en marchands, deviennent, comme tous les marchands, cupides et malhonnêtes. Tout cela rend banal, pour ainsi dire, de voir un homme gisant par terre, dans l'indifférence des gens. Je n'aurais jamais imaginé voir ça. Je contemple May en réfléchissant. Moi aussi, je suis un marchand d'argent, et vu la mondialisation en cours, je suis en partie responsable de l'homme gisant sur le pavé, de l'indifférence des gens et de la mélancolie de May. Une belle musique parvient à nos oreilles. Elle me donne l'envie de fournir un moment de détente à May ainsi qu'à moi. Si on allait voir, d'accord. Nous sortons. Nous arrivons sur une petite place. Une quinzaine d'hommes et de femmes en habits traditionnels, de couleurs vives, exécutent une danse locale en un large cercle. Les mouvements sont jolis, faciles à exécuter, sans effort particulier. La plupart des danseurs et danseuses dépassent la soixantaine d'années. Leur corps robuste, leurs mains grosses et calleuses, ainsi que leur visage, d'une peau rendue foncée par le soleil, prouvent leur qualité de paysans. Quelques vieilles femmes, dont la beauté n'a pas disparu avec le temps, manifestent une certaine élégance. Leur tête est couverte de charmants chapeaux de paille munis de fleurs d'agréables couleurs. Deux jeunes filles, des touristes, vu leur habit, se mettent dans le groupe et dansent avec les autres, en essayant d'imiter leurs mouvements. Ah! Oh, oh, pourquoi n'es-tu pas ici ? J'ai la chance de trouver Yue. Comme elle a changé. Les épreuves de l'existence ont marqué son visage et son corps. D'abord, elle me parle de sa vie privée. Elle s'était mariée, eut une fille, actuellement enseignante à Shanghai. Par contre, après une dizaine d'années de vie commune, son mari la quitta pour une femme plus jeune. Depuis, elle vit seule, en donnant des cours de danse à de jeunes enfants. Et comment c'est ici ? Oh ! Depuis l'apparition et le développement du tourisme, l'argent salit tout. Nous évoquons un autre argument. Elle me raconte. Après ton bannissement dans le sud, je fus accusée de ne pas avoir communiqué aux autorités ce que tu me confiais. On me licencia de la compagnie. Pour survivre, je suis allée à la campagne. Je collaborais avec des paysans dans leur travail. J'ai souffert la faim et l'humidité excessive. J'en suis tombée malade sans pouvoir me soigner. Depuis, je souffre d'asthme. La petite bibliothèque de Yue, chargée de livres, attire mon attention. Je remarque un cadre. Il contient une jolie calligraphie sur un rouleau ouvert de bambou. Quand le ciel veut sauver un homme, il lui envoie l'amour. Lao Zi. Contente, je détourne les yeux vers mon amie. Là, je te reconnais, tu n'as pas changé. » Les yeux de Yue montrent une fugitive lueur de mélancolie. « Faut-il, demande-t-elle, et peut-on satisfaire tous nos désirs afin d'être heureux ?»« Ah, la question des questions !» Après réflexion, je réplique, « Le problème est que certains désirs, même quand on veut les ignorer, ne cessent pas de vivre. Ils nous enlèvent une partie, quand pas toute notre énergie. En outre, ces désirs peuvent mener jusqu'à être assassinés par d'autres, ou à se suicider. » Mon ami m'observe longuement, puis réplique, « Contre la bise furieuse, la fleur la plus vigoureuse peut-elle résister ?» Yue est brutalement secouée par une toux rauque. Elle dure longtemps. « Qu'as-tu ? Tu es malade ?»« Oui, » confirme-t-elle. « Et c'est quoi ?» La toux la reprend. Je m'inquiète. « C'est quoi, Yue ? Dis-le-moi, s'il te plaît. » « En fait, je l'ignore. Tu es allé consulter un médecin ? Je préfère attendre un peu. J'espère qu'il s'agit uniquement d'un mauvais coup de froid. Je t'en prie, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me le dire. Tu le sais, je ne dispose pas de beaucoup de moyens, mais tout ce que je pourrais faire, je l'accomplirai avec plaisir. » « Je te remercie infiniment, mais ne t'inquiète pas, j'ai la chance d'avoir une fille généreuse. » Après avoir quitté cette chère et précieuse amie, mon appréhension pour elle demeure. Son travail d'enseignante de danse lui procure certainement juste de quoi subvenir à ses besoins élémentaires. Mais les problèmes de santé exigent aujourd'hui beaucoup d'argent. Pour les personnes aux gains financiers limités, c'est une tragédie, comme dans mon village. Je crains fortement que ce soit le cas pour Yue. Sa fille peut-elle vraiment l'aider de manière efficace ? Je pense à l'époque passée. Alors, le problème de maladie n'avait pas cette acuité. Les soins ne nécessitaient pas des sommes au-delà des possibilités des plus pauvres. Décidément, soit manque la liberté, soit manque l'argent. En retournant dans ma petite chambre d'auberge, de ma fenêtre ouverte, j'entends une belle musique provenant d'une place. Je devine que des paysans dansent. C'est leur genre de mélodie. Et si j'y vais, pour me relaxer un peu, cela me ferait du bien. Parmi les danseurs, je remarque deux hommes. Ils ont l'air d'avoir dépassé les 80 ans. L'un près de l'autre, ils dansent avec des mouvements plus lents. « Ce sont des gens d'ici, » explique Mei. « Mais comme tu vois, tous sont des adultes et bien avancés en âge. » Elle ajoute avec dépit, « Mais pas de jeunes, trop occidentalisés. Ils dédaignent ce genre d'activité. » La charmante musique de la place continue à me bercer, à me donner envie d'aller voir, malgré la fatigue du voyage. Je sors. En arrivant sur la place, je suis envahi de joie à la vue des paysans dansant en cercle. Oui, ils ont bien raison de vivre ces moments de plaisir pour atténuer la dureté de leur vie. Moi aussi, durant l'époque des cruels sévices, puis de l'exil, ma défense contre le désespoir, c'était le chant. Il reste mon recours contre tout malheur. Sur la place, d'autres personnes arrivent. Elles s'arrêtent pour admirer les danseurs. Après quelques minutes, je note des signes de lassitude chez Mei. Elle réprime plusieurs bâillements. Il est vrai que nous sommes sur cette place depuis plus d'une heure. Je propose donc à ma compagne de quitter la place. En retournant à l'hôtel dans le hall, nous regardons à la télévision le programme de recherche des personnes disparues. Nous apprenons avoir manqué une transmission spéciale. Vu son importance, elle est reproposée. La présentatrice fait entendre l'appel de la femme, daté du 9 juin passé. Elle affirmait que Hua devait être dans le jardin de l'harmonie préservée, à Pékin, le 14 ou le 15 de ce mois. Nous réalisons que nous n'avons pas vu la transmission précédente. Nous étions déjà dans l'avion, en voyage vers le sud. Après cette information, Bruno et moi restons complètement décontenancés, désemparés. « Que faire maintenant ? » s'écrie Bruno. « Doit-on retourner à Pékin ?» Je tente de maintenir ma clairvoyance. Je réfléchis à toute vitesse et le mieux possible. Je réponds, « Nous sommes proches du village où Hua vivrait. Nous avons un peu de temps à notre disposition. Allons d'abord vérifier si Hua se trouve effectivement dans ce village. Et si elle n'y est pas, nous retournerons à Pékin. » Cela m'a fait beaucoup de bien d'avoir été sur la place, voir les gens danser et sourire. Au retour, ma petite chambre d'auberge me semble moins triste. Toutefois, ma tête est trop prise par le reste du voyage vers Pékin. Il faut pourtant que je me repose. Le plus difficile m'attend. Malgré la fatigue, je ne parviens pas à dormir. Une bizarre pensée surgit en moi. Et si tout cela n'est qu'un long rêve et que je me réveillerai dans mon horrible bureau ? Déjà sur la place, une frayeur m'avait saisi. En voyant les gens danser, j'eus une étrange sensation. Pendant un moment, je ne fus plus certain à propos de ce que je voyais. Était-ce un rêve ou la réalité ? J'ai dû lutter pour raisonner. À présent, je tente de me calmer, en considérant la situation avec humour. Allons dors, cher petit de ta maman adorée. Si ce que tu vis n'est qu'un long rêve, eh bien, qu'il soit le plus beau et qu'il dure le plus longtemps possible.